Écris-moi pas quelque part en Alaska. Y'a un phare qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phare est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Pense aux états pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire des enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont. Regarde son poil qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un show. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans.